Vous êtes après rentrer dans le podcast de l'Anti-Église? L'Anti-Église, c'est pour une discussion honnête et transparente sur le chaos de la foi, l'Église et la religion. Ensemble, on veut rire et on veut faire des critiques avec une bonne volonté des tabous et des absurdités de certaines conceptions de la foi chrétienne. On vous invite à nous liker sur Facebook et à suivre ce podcast sur vos applications. Et que vous soyez en accord avec nous ou non, c'est bien correct, car notre désir à travers cette discussion, c'est qu'ensemble, que vous soyez croyant ou athée, nous puissions faire sens de la foi chrétienne. Re-bienvenue à l'Anti-Église. Je suis vraiment content de pouvoir vous accueillir de nouveau. J'espère que tout le monde a passé une excellente semaine. Et puis, aujourd'hui, on va avoir vraiment du plaisir parce qu'enfin, on va pouvoir commencer à s'attaquer à sujets spécifiques sur l'Église, sur la foi chrétienne. Parce que dans le premier podcast, dans le fond, pour ceux qui l'ont écouté, c'était important pour nous de vraiment mettre une fondation qui allait nous lancer dans ce podcast-là. Et puis, qu'elle expliquait en fait pourquoi on fait l'Anti-Église. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Ça va pas être aussi plaisant que tous les prochains podcasts qui s'en viennent parce que là, vraiment, on va pouvoir rentrer dans des sujets spécifiques puis juste les attaquer puis en rire un peu. Mais c'était quand même, je pense, très important de pouvoir mettre une fondation qui maintenant nous permet de pouvoir avoir une bonne approche sur toutes les conceptions de la foi chrétienne et de l'Église qu'on désire faire des critiques. Donc aujourd'hui, l'Église, l'institution religieuse et son agenda. Qu'est-ce que l'Église? On a déjà un petit peu parlé dans le premier podcast que l'Église, justement, c'est cette communauté-là de croyants qui s'identifie à la personne de Jésus-Christ. Ce qui est particulier, c'est que présentement, dans le milieu chrétien, il y a de plus en plus justement, de personnes qui se lèvent pour défendre cette position, alors qu'au contraire, il semble qu'il y a quand même encore beaucoup d'Églises qui agissent comme si l'Église, c'est soit une institution religieuse, c'est soit l'histoire d'un rassemblement du dimanche, ou de se rassembler dans un bâtiment, même si ils vont dire que ce n'est pas un bâtiment, que ce n'est pas une institution religieuse, ils agissent de cette façon encore. Et puis malheureusement, quand justement cette pensée-là, quand l'Église devient un petit peu cette institution religieuse, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a souvent de la politique. Et quand il y a de la politique, qu'est-ce qui va arriver par la suite? C'est que souvent, il va y avoir un agenda derrière la politique et l'institution en question. Et ce qui est triste en quelque part, c'est que plus l'Église devient cette institution, plus notre foi ne sera souvent plus en rapport entre ta personne et Dieu, mais plus ta personne, l'Église et ensuite Dieu. L'Église devient un petit peu ce type de médiateur-là, un petit peu comme le pape peut devenir, au niveau du catholique, peut devenir ce représentant entre le peuple et Dieu. L'Église devient ce médiateur entre ta personne, ta foi chrétienne et Dieu. Et si vous êtes catholique, vous allez peut-être me dire que votre foi n'a rien à voir avec le pape en tant que médiateur. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense que parfois, malheureusement, ça peut être le cas. Et ça peut être le cas aussi, justement, quand l'Église devient cette institution religieuse, qu'elle devient, en fait, ce médiateur-là entre notre foi et la personne de Jésus-Christ. Alors que ce n'était pas censé être le cas. Qu'est-ce qui arrive, en fait, quand l'Église devient cette institution-là, c'est que trop souvent, ça résulte avec des agendas. Et on va se retrouver avec des pasteurs, des prêtres, qui prêchent non pour le bien de leur assemblée, mais pour le bien de leur église, de leur personne ou de l'image de leur église. Pourtant, le problème, c'est que si l'église, c'est les gens, comment est-ce possible que l'on tombe dans ce genre de mentalité si avant tout, l'église, c'est les gens? C'est un petit peu la critique que je veux faire aujourd'hui. C'est qu'il y a une grande différence entre l'église et être une église. Si vous vous demandez un petit peu qu'est-ce que le mouvement évangélique, le mouvement évangélique, c'est une famille d'églises qui sort du mouvement protestant. Peut-être que vous avez déjà vu, peut-être d'ailleurs, des églises proches de chez vous qui s'appellent Jésus-Marie-Joseph, l'église de Jésus-Marie-Joseph du cousin d'Abraham, du paradis, de la bonté, du cœur de Dieu. Ça, c'est des églises souvent évangéliques, mais souvent des églises haïtiennes-africaines. Je pense qu'il n'y a rien de mal de dire que si vous êtes haïtien-africain, que les noms de vos églises souvent sont assez particuliers. Je pense qu'il faut en rire plus que d'autre chose. Des églises évangéliques plus peut-être québécoises de souche vont souvent s'appeler l'église évangélique baptiste de Saint-Sauveur. Ça va être l'église Oasis, l'église d'une vie nouvelle. Ce type de noms-là qui représentent un petit peu juste une symbolique de la vie chrétienne, mais qui est juste un nom qui est donné à la communauté ou à une communauté spécifique proche de chez vous. Et puis, dans ces églises-là évangéliques, quand on dit qu'il y a une grande différence d'être l'église et être une église, c'est que trop souvent, quand l'église devient une église, c'est souvent ce nom-là de l'Église qui va l'emporter sur les gens à l'intérieur de cette Église-là. Ce qui pourtant ne devrait pas être le cas. Quand on dit être l'Église à l'opposé, c'est que, en tant que chrétien, être l'Église, c'est être cette personne-là qui croit en Jésus-Christ et qui désire suivre les pas de Jésus-Christ et être un petit peu ce témoignage-là auprès de toute personne autour d'elle qu'elle a foi en l'amour, en la grâce, en le pardon. Et puis malheureusement, trop souvent ce qui arrive avec l'Église institutionnelle, c'est que le nom de l'Église et être une Église va l'emporter sur les gens. Et admettons, si on prend l'exemple, l'Église baptiste évangélique de Saint-Donat, je ne sais même pas s'il y en a une là, puis s'il y en a une là, je ne parle pas du tout de celle-là, mais l'église, cette Église-là, le nom va l'emporter. L'organisation de cette Église-là, la politique à l'intérieur de cette Église-là va l'emporter sur les gens. Donc, concrètement, comment est-ce que ça va prendre forme? Eh bien, j'ai quelques exemples pour vous, puis c'est là qu'on va pouvoir rire un petit peu justement de l'Église. Et puis, peut-être que ça va vous faire penser à certains exemples de vos églises personnellement. Premièrement, on va se retrouver des fois avec des églises qui prêchent non pour les gens, mais pour qui elle est. Un exemple, c'est souvent quand l'Église prêche sur la dîme. Si vous n'êtes pas d'accord avec la dîme, puis vous ne croyez pas en la dîme, puis trouvez ça ridicule, faites-vous-en pas, c'est sûr qu'éventuellement, on va faire un podcast sur la dîme. Mais un exemple que moi j'ai déjà vécu dans mon passé, c'est que j'ai côtoyé une église qui, afin que les gens puissent donner à l'église, ils avaient invité un comptable à venir un dimanche matin afin de partager comment mieux économiser dans ta vie personnelle afin de pouvoir donner plus à l'église. On s'entend, si vous êtes non-croyant puis vous entendez ça, je suis sûr que vous allez pisser de rire. On s'entend que c'est du n'importe quoi. Et puis, ça, c'est un exemple parfait de comment est-ce que l'Église, trop souvent, en tant qu'institution, vient l'emporter sur qu'est-ce qu'elle devrait être. Et c'est les gens. L'Église, c'est avant tout les gens. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on ne devrait pas encourager les gens à être généreux envers une communauté de foi ou envers les gens autour d'eux. Mais c'est de dire que quand on prêche, est-ce qu'on prêche pour qui on est ou est-ce qu'on prêche pour nos gens? Right? Et en tant que pasteur, En tant que prédicateur, une chose qui est vraiment importante, je pense, c'est de toujours s'assurer que l'on prêche afin de pouvoir amener les gens à grandir spirituellement et non afin qu'ils puissent venir nous faire grandir. Et des fois, il faut comprendre, un pasteur ne prêchera pas pour sa personne. Il va peut-être prêcher pour son église, mais le problème, trop souvent, c'est que si l'église, c'est les gens avant tout, il faut faire attention justement de ne jamais tomber dans le panneau d'avoir un agenda qui vient nous servir et non servir les gens avant tout. Dans ce cas-ci, non seulement ils avaient invité un comptable afin qu'il puisse amener les gens à économiser plus pour donner plus à l'Église, mais la thématique au complet du mois avait été bâtie afin d'amener les gens à donner plus à cette Église au lieu de comprendre que, alors que l'on donne, ce qui est important, c'est que Dieu se préoccupe du bien-être social des gens autour de nous. Dieu se préoccupe de la générosité et du bien-être des gens autour de nous. Et que l'Église est censée être cet agent de changement qui vient s'assurer d'une certaine justice sociale dans notre ville et aussi en tant que communauté chrétienne. Et puis, malheureusement, c'est un exemple qui, quand l'Église tombe en tant qu'institution à l'emporter sur les gens, eh bien, on se retrouve avec des fois des prédications qui viennent servir l'église locale, son nom ou le pasteur, et non, en fait, servir les gens. Un deuxième exemple que j'ai déjà vu, en fait, c'est que souvent, des fois, l'église, en tant qu'institution, va peut-être venir à culpabiliser les gens à servir cette église-là, au lieu d'amener les gens, à encourager les gens à faire du bénévolat autour d'eux, que ce soit à l'église ou que ce soit à l'extérieur de l'église. Et puis, dans le fond, un exemple justement que j'ai en tête, c'est que dernièrement, un ami à moi a posté sur Facebook, est-ce qu'on sert l'Église ou est-ce que tu sers l'Église ou est-ce que tu te sers de l'Église? Et moi, là, je suis persuadé que cet ami-là, je le connais très bien, il n'y avait aucune arrière-pensée négative en arrière, puis il n'y avait aucune pensée de « je vais culpabiliser les gens afin qu'ils viennent me servir moi personnellement » parce qu'il travaille dans une Église. Par exemple, j'ai vécu dans mon passé, j'ai été en contact avec des personnes dans mon passé qui ont utilisé cette rhétorique-là afin de forcer les gens à servir dans leur église, que ce soit à toutes sortes de services, que ce soit dans le fond à l'accueil des gens, que ce soit dans les justices sociales, que ce soit dans la musique, dans les hymnes. ils ont culpabilisé les gens en disant que Dieu désire qu'ils servent l'Église pour qu'en fait les gens viennent les servir pour eux ce qu'ils font et non afin que les gens puissent simplement, juste s'ils le désirent, faire du bénévolat afin de pouvoir être juste une bénédiction pour les gens autour d'eux. Et puis moi, je suis sûr que ce chum-là avait aucune arrière-pensée à ce niveau-là. Mais malheureusement, encore une fois, quand l'Église devient une institution, un autre agenda, des fois qu'on peut voir très clairement, c'est comment est-ce que l'Église vient culpabiliser les gens à servir leur Église. Non pour que les gens soient bénis de cela, mais avant tout parce que l'Église a des besoins. Et puis l'agenda, ça va être de culpabiliser les gens pour qu'ils viennent les servir. Et pour nous, c'est vraiment important, l'Église, justement, quand on dit qu'on veut être critique, je pense que l'important, c'est qu'il faut en parler. Parce que malheureusement, présentement, il semble que personne n'en parle, que trop souvent, nos églises, nos communautés de foi chrétienne, même s'il y a des communautés où ce que les gens sont incroyables, les gens ont des cœurs à la bonne, vraiment le cœur à la bonne place, la politique qu'on instaure des fois amène trop souvent l'Église à être une institution religieuse qui a un agenda derrière tout ce qu'elle fait. Et malheureusement, on perd l'essence de ce que l'Église est censée être quand ça arrive. Donc, quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est sûr que c'est bien beau de faire une critique, mais il faut quand même proposer des idées. Faut essayer de trouver des solutions. Moi, je vous encourage à réfléchir. Essayez de voir si vous trouvez des idées ou des solutions qu'on pourrait apporter. Moi, personnellement, je suis un gars de principe. Donc, toutes mes solutions ont toujours des principes à l'intérieur de ceux-ci. Dans le fond, moi, je pense que qu'est-ce qui est fun d'avoir des principes, c'est que on sait tous dans la vie que tout n'est pas blanc puis noir, tout n'est pas black and white. Mais c'est pas parce que tout n'est pas blanc puis noir qu'on ne peut pas avoir des principes qui peuvent nous guider parfois un petit peu vers ce qui est juste et ce qui est pas juste. Right? Alors que je côtoyais une église à un moment donné, quand je dis côtoyais, parce que des fois je travaille dans des églises, des fois je côtoie des églises jusque. Je suis proche d'eux, j'entends des histoires, puis là, je viens en contact avec certains des leaders, puis on discute de ce qui se passe, puis parce que l'Église n'est pas parfaite. Hein. Ça, je l'ai dit, puis je vais toujours leur dire, l'Église n'est pas parfaite, puis elle ne sera jamais parfaite. Et ce qui est arrivé dans cette Église-là, c'est que un des dirigeants me partageait que, dernièrement, ils ont fait un cadeau à leur pasteur. En fait, ils ont pris de l'argent, des dons, afin d'acheter l'équipement pour la maison de la personne. Afin de la bénir, afin de se faire un cadeau, parce que ce pasteur-là, ben, il se dédie beaucoup à l'Église. Mais ce qui est arrivé, c'est que certaines personnes ne sont pas en accord. Puis je pense que déjà, il y en a qui vont entendre et vont dire, voir qu'ils ont pris de l'argent pour faire un cadeau au pasteur. Parce qu'il faut comprendre, c'est que le pasteur, il a déjà un salaire par cette Église-là. Donc là, de faire des cadeaux supplémentaires, des fois, c'est pas tout le monde qui voit ça comme de bon œil. Il y en a qui vont dire, tant mieux, parce que des fois, les pasteurs travaillent fort, fait qu'ils le méritent. Mais c'est normal que d'autres personnes se disent, ben ça c'est de l'argent pour la communauté. C'est pas de l'argent pour le pasteur. C'est pas une banque. L'Église n'est pas une banque financière pour le pasteur. Et puis donc, c'est ce qui se passait dans l'Église, c'est que présentement, il y avait des gens qui étaient pour, puis il y avait des gens qui étaient contre. Fait que là, il essayait de dealer un petit peu avec cette problématique-là. Puis moi, fait que là, moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut établir comme principe pour s'assurer de bien se questionner à savoir est-ce que c'était bon puis c'était pas bon, tu sais. Et puis, un des premiers principes que moi j'ai demandé à ce dirigeant-là, ben, je lui ai dit, est-ce que vous allez le dire à l'Église que vous avez fait ce cadeau-là? Puis il m'a dit, ben non, parce que si on est pour le dire, il y a des gens qui vont vraiment être pas contents, puis écoute, les gens ne sont pas du tout d'accord avec nous. Puis là, j'ai dit, ben écoute, si tu peux pas le dire à ton Église, puis que tu crois que les gens vont pas être en accord, je pense que c'est un bon indicateur que vous n'auriez pas dû le faire à quelque part. Puis ça, je pense que c'est important de se dire que s'il y a des choses dans l'Église qu'on ne peut pas dire à nos croyants, on ne devrait pas le faire. L'Église est censée être transparente. L'Église ne devrait jamais rien cacher à ses gens. Et ça, c'est un premier principe, d'ailleurs, pour moi, qui pour toute Église, est fantastique, c'est que on peut toujours se demander, est-ce qu'on peut le dire à nos gens ou est-ce qu'on ne peut pas le dire? Et si on croit qu'on ne peut pas le dire ou qu'on ne le dira pas, on a vraiment un bon indicateur qu'on devrait le faire. Maintenant, il y a toujours des gens qui vont dire, oui, mais on ne peut pas tout dire à nos gens parce qu'il y en a qui vont toujours critiquer. Mais ça, on l'a déjà adressé dans le premier podcast. Puis s'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec notre premier podcast, bien, envoyez-nous le feedback puis on va voir si ce que c'est, ça se peut qu'on n'ait pas raison là-dessus. Mais on l'a déjà adressé que non. Il faut être honnête avec nos gens, puis faut pas avoir peur des confrontations parce qu'ensemble, on veut grandir. Et puis donc. Si, comme premier principe, on sait qu'on ne partagerait pas à l'Église qu'on a fait un cadeau avec l'argent des gens à notre pasteur, eh bien, déjà, tu as un indicateur que tu n'aurais pas dû le faire. Ensuite, d'autres indicateurs. Est-ce que, j'ai demandé à ce dirigeant-là, est-ce que vous feriez ce cadeau-là à d'autres pasteurs de l'Église? Parce que c'est déjà plusieurs pasteurs comme salariés. Et ils m'ont dit, non, c'est seulement le pasteur principal qu'on ferait des cadeaux du genre. Puis il dit, as-tu pas peur que ça tombe dans du favoritisme? Il dit, ben c'est sûr que ça pourrait tomber dans du favoritisme. Ben déjà là, tu as un deuxième indicateur que c'est pas une chose que tu devrais faire. À moins que tu le fasses pour tout le monde, tu devrais pas le faire à ce moment-là. Et plus on a questionné avec des principes, plus j'apportais des principes, plus je questionnais, plus la personne a réalisé à la fin que, ouf, il aurait jamais dû faire ça. Mais là, c'est fait. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, vous demandez pardon, puis maintenant, vous établissez des principes, puis des politiques qui vont venir servir l'Église et qui vont juste assurer que, dans le fond, que cette erreur-là ne se reproduise pas. Donc, pour moi, quoi faire quand l'Église, dans tout le big mess de l'Église, by the way, je dis souvent des expressions anglaises parce que j'ai marié une anglophone, fait que je suis comme tout à pogné entre le français puis l'anglais. fait que, je mets pas la faute sur elle, là, c'est pas sa faute, là. Mais donc, quand je dis le big mess, quand on parle de toute la marde de l'Église, dans le fond, je sais pas si on peut dire ce terme-là, mais dans toute la marde de l'Église, je pense pour moi, ce qui est important, c'est essayer de trouver des principes qui peuvent venir nous guider à s'assurer que ce qui est fait est juste et que, éthiquement, c'est chrétien aussi, que ça va selon la pensée biblique. Et donc, deux principes pour moi par rapport à l'Église, l'institution religieuse et son agenda. Premier principe, je pense qu'on peut se demander, est-ce que cela vient fortifier la vie du croyant en tant qu'individu? Avant de faire une thématique, avant de faire une prédication, avant de prendre une décision dans l'Église, est-ce que cela vient fortifier la vie du croyant ou est-ce que ça vient nous fortifier, notre Église, notre image, notre nom de notre Église, en tant qu'organisation, avant tout. Et si on réalise que cette décision-là vient nous fortifier en tant qu'organisation et non en tant qu'individu, je pense que déjà là, on a un premier principe qui peut-être nous aide à voir qu'on ne devrait pas prendre cette décision-là. Puis un deuxième principe, est-ce un besoin dans l'Église actuelle? Quand on prêche, quand on prend une décision, est-ce qu'on les prend tout simplement en rapport à des besoins dans l'Église? Si oui, est-ce qu'on va prêcher, comment est-ce qu'on va le partager avec les gens? Parce que c'est sûr qu'il y a des décisions des fois par rapport aux églises qui ils sont en rapport à l'église ou au bâtiment ou whatever. La plupart des églises ont tous des bâtiments, puis il faut qu'ils prennent des décisions envers les bâtiments, fait que c'est sûr que c'est en rapport avec l'église actuelle. Mais alors qu'on va le partager, cette décision-là, avec nos membres, c'est de se dire que est-ce qu'on va le partager avec un agenda ou est-ce qu'on va le partager d'une façon qu'on prend cette décision-là ensemble, parce qu'on implique notre communauté à venir prendre la décision avec nous. Et je pense que ça lie beaucoup avec le troisième principe, que pourquoi ne pas prendre nos décisions avec nos membres? C'est pas toujours facile. Je peux pas dire que j'ai une solution parfaite, que j'ai un format parfait pour ça, mais pourquoi ne pas essayer de trouver un format dans lequel on s'assure de prendre des décisions, pas juste pas avec l'administration de l'Église, mais avec les membres de l'Église, afin de s'assurer que justement le monde soit au courant de ce qui se passe, le monde soit au courant de où est-ce que l'Église s'en va, et qu'ensemble, on prenne cette décision-là. Et donc, du fait même, il n'y a donc pas d'agenda derrière, parce que rien n'est caché, puis que les décisions sont prises ensemble. Donc, il y a vraiment une grande différence entre être l'Église et être une Église. Et c'était vraiment important pour moi d'en parler, puisque malheureusement, je crois que dans le milieu chrétien présentement, il y a une grosse tendance, surtout dans le mouvement évangélique, à avoir des églises qui deviennent trop souvent des institutions religieuses et qui ont un agenda extrêmement profond qui amène parfois les gens à être manipulés pour leur bien et non pour le bien des gens. Puis pourtant, c'est totalement à l'opposé de ce que l'Église est censée être. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. C'est tout pour le deuxième podcast. Et puis, on va se revoir sous peu avec d'autres sujets, d'autres discussions. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas à nous envoyer. Et je vous souhaite une excellente semaine. L'Anti-Église approuvée.